Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. L'agence de notation Fitch a de nouveau mis en garde le Royaume-Uni contre une possible perte de sa note AAA. Après s'être moqué de ses voisins européens, l'Angleterre va perdre son triple AAA, alors ça rigole moins. En même temps, nous, on a le double A ici, donc ça va. On s'en fout. Le comédien réalisateur français Guillaume Canet, qui tourne actuellement un film aux États-Unis, a fait une étrange révélation. Guillaume Canet, top, préfère le coca en bouteille. N'importe quoi. Irina Shayk, la compagne de Cristiano Ronaldo, a osé faire tomber le haut. Elle a fait une photo topless. Mais le top model a un incroyable talent. Irina Shayk fait des cocktails. Sinon, elle est où la photo? L'américain John Mack a fait suspect dans une affaire de meurtre et menacé d'extradition. A été hospitalisé jeudi au Guatemala. Oui, il semblerait que Mack a fait choper un virus. Et pour terminer, si vous aimez les magasins de bricolage et les chanteuses bretonnes, allez acheter un marteau chez Nolwenn Leroy Merlin. N'importe quoi. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Et nous allons maintenant évidemment nous approcher de la question existentielle du matin. Question existentielle, mais quelle question existentielle ce matin? Bah en fait, je me suis demandé ce matin pourquoi est-ce que les gens disent qu'ils parlent sur Internet alors que c'est pas vrai, ils écrivent. Oui, non, mais d'accord, mais enfin t'es dans le détail. Bah non, je suis pas dans le détail. Bah si. Bah non, on se parle sur Facebook. Non, on s'écrit sur Facebook. Bon. Mais ils se parlent en s'écrivant. Quand t'envoies une lettre. Ouais. Tu parles pas au mec, tu lui écris. Oui, oui. Non, mais il a raison dans un sens. Non, mais d'accord, ok. Bon, allez, quelle heure celle-là. Enfin bref. Bon, on va aller à Bois-et-Borsu. Eh ben, allons-y. Ça a l'air très charmante, donc on va appeler là-bas. Hein. Bois-et-Borsu. Comment on appelle les gens qui habitent là-bas? Les Bois-et-Borsu. Hein. Hein. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'avais une petite question à vous poser. Quel sujet? Bah ben en fait voilà, je me demandais pourquoi est-ce que quand les gens discutent sur Internet, ils disent qu'ils parlent, alors que c'est pas vrai, ils écrivent. D'accord, au bon accueil. Bonjour à Bois-et-Borsu, dis donc. Oui, voilà. Toujours très sympathique. Bah oui, on va la rappeler. Dis donc, pour faire un effort. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, vous allez me faire chier longtemps? Bah ben, excusez-moi madame, mais je vous pose une question, vous répondez pas. Mais pourquoi vous me téléphonez à 6h30 du matin? Bah ben, pour que vous répondiez à ma question. Mais j'en ai rien à foutre de votre question. Bah, c'est pas très gentil ça, madame. Je suis sûr qu'au prochain appel, ça va être monsieur. Bon, allez, passe-moi, je vais gérer. Je vais le taper. Passe-moi. C'est marrant parce qu'elle a une petite voix, quoi. Bah ouais. Elle parle mal. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. J'ai pas encore le temps de vous poser ma question. Mais je ne répondrai pas à votre question. Ah non, c'est maman. Mais pourquoi, madame? C'est maman. Je pensais que ça allait être monsieur, mais non. Mais non, c'est maman. Oh, tant pis, c'est pas grave. Bon, on fera 100, hein. Bah ouais. Mickaël à la radio, le replay. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous, vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. On va faire un tour du côté maintenant de la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. On écoute tout de suite le premier message. Putain, mon cul est mort. Tu as c'est une pourriture, mais tu sais pour une... Attends ta gueule. On est chopé, je vais te brûler, toi. Je vais te couper en deux. Je suis comme un gros con, là. Ça fait une heure que j'attends, comme un gros con. Je veux bien être gentil. Arrêtez de me prendre pour une quiche, hein. Arrêtez de me prendre pour une quiche. Ah, une quiche, il a dit. C'est mignon. Mais oui, deuxième message. Bonjour, c'est Pierre. Tu m'avais laissé ton numéro sur le chat de Voyeurisme. Et j'aurais bien voulu participer au jeu coquin que tu m'as proposé. Et puis je t'envoie des grosses baises de voyeuriste et de gros coquins. Des grosses baises, ah. Écoute, des grosses baises, alors et pas de problème. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. On peut pas mettre ni oui, ni non, ni et. D'accord? Bon, et ET, hein, tu peux faire des verbes avec un E, accent aigu, y a pas de problème. Bon, on y va. Ouais. Quentin, une minute. Si tu dis un de ces mots, c'est perdu. Si elle le dit, c'est gagné. Et si vous ne, si vous, vous neutralisez, bah forcément, en une minute, ce sera perdu pour tous les deux. On y va, Quentin, bonne chance. Ni oui, ni non, ni et. C'est parti. Quentin ? Bien sûr. Ça va ? Pardon, j'ai pas entendu. Très bien, merci. Que fais-tu aujourd'hui ? Je suis en chemin pour le boulot. Tu travailles dans quoi ? Chez un fournisseur d'accès à Internet. T'aimes bien ton boulot ? Bien sûr. T'as des frères ou des sœurs ? Que un frère, deux sœurs. Ouh, j'ai cru qu'il est. Il manquait pas une liaison ? Non, non. Ah, oh, t'avais bien joué pourtant. Hein. Ah, ouais. Franchement, t'avais bien joué. T'avais bien joué, Quentin. Mais malheureusement, c'est une défaite. Ah là là là. Bon, c'est pas grave. Quentin, tu reviens quand tu veux. En tout cas, y a pas de soucis. Prudent sur la route. Et puis bonne journée à Liège alors. Mickaël, à la radio. Le replay.